Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les mauvaises fréquentations, le Père Noël à les yeux bleus, la rosière de Pessac, le cochon, la maman et la putain, mes petites amoureuses, une sale histoire. Auteur peut-être plus qu'aucun autre, en moins de 20 ans d'une activité en pointillé, Jean Eustache est entré dans l'histoire du cinéma avec seulement une petite dizaine de films, courts et longs, documentaires et de fiction. Près de 40 ans après son suicide, alors que voir ou revoir ses films n'est pas si facile, Jean Eustache reste une référence pour des cinéastes et des cinéphiles aux quatre coins du monde, un nom mythique attaché à un titre qui domine sa filmographie, La maman et la putain, mais aussi à la salle de cinéma de Pessac, la ville de son enfance. La rue s'allume, c'était le titre d'un autre film qui ne tourna jamais celui-là. Un titre qu'en 1985, pour les mardis du cinéma, Cécile Amcy empruntait à Eustache pour évoquer la personnalité et l'œuvre du cinéaste à travers les témoignages de certains de ceux qui avaient croisé sa route et celle de ses films, avec aussi les mots, la voix de Jean Eustache, que l'on a rarement l'occasion de réentendre. Mardi du cinéma, à propos de Jean Eustache, La rue s'allume, une émission diffusée la première fois, le 4 juin 1985, sur France Culture. Ma rage d'aimer donne sur la mort comme une fenêtre sur la cour. C'est pendant La maman et la putain, Jean-Pierre Léo qui déjà racontait avoir lu ce graffiti dans les WC du Flore. Pourquoi vous avez retenu cette phrase ? Oh ben ça, j'en sais rien. Je sais rien, si ce n'est que, qu'elle m'a frappé, que je l'aimais, qu'elle me semblait surtout très résumée en quelques mots exactement le personnage joué par, magnifiquement par Léo. Je pensais au personnage de Stache. Oui. Je sais pas, ça, je sais pas. Sûrement. Sûrement, ça, c'est très difficile d'en parler. Sûrement, il y a eu un moment où, enfin, où c'est quelqu'un qui s'est brûlé, qui a tout donné. Le cinéaste Jean Eustache, auteur principalement des mauvaises fréquentations, Le Père Noël a les yeux bleus, La maman et la putain, Mes petites amoureuses, Une sale histoire, est né le 30 novembre 1938. Il s'est donné la mort le 5 novembre 1981. À propos de Jean Eustache. Avec Jérôme Prieur, Marco, Michael Lonsdal, Jean-Noël Pic, Geneviève, Christian Bourgois, Jean-Christophe Panchèvre, Françoise Lebrun et la voix de Jean Eustache. Puisque la caméra tourne, le cinéma se fait. C'est pas la peine d'ajouter, de l'avoir des tourbillons et de lui donner une autre virtuosité, puisque quand la caméra tourne et qu'elle est posée, bien, ça fait du cinéma. Ajouter quelque chose, c'est l'intervention de l'auteur dramatique. Alors, ça peut être à des fins, enfin, toutes celles qu'on veut, mais je crois que l'histoire du cinéma est faite de gens qui ne s'en sont pas servis de cette manière. Griffith, Renoir, Dreyer n'ont jamais, Frislang, les très grands créateurs n'ont jamais utilisé la caméra d'une autre façon que comme enregistrement de ce qu'il y avait devant. Ce qu'il voulait faire, c'était du cinéma, et je pense que l'idée du cinéma était toujours présente dans sa vie. J'ai parfois l'impression qu'il ne supportait la vie. C'est évidemment un peu facile à dire maintenant qu'on sait comment il s'est donné la mort, qu'il ne supportait la vie que dans la mesure où il pourrait la transposer au cinéma. Il aimait beaucoup parler d'anecdotes, en fait, il faisait très peu de théories, n'aimait pas les idées générales, n'aimait pas la théorie, et affectait même d'être inculte. Il aimait bien dire, heureusement avec un sourire qui laissait entendre qu'il ne se laissait pas prendre à ce piège-là populiste, que lui était fils d'ouvrier, ouvrier lui-même, n'avait pas le bac et ne savait donc rien. Or, il était facile de constater qu'il en savait beaucoup plus que ce qu'il disait. Il connaissait Beckett quasiment par cœur, il connaissait Céline à fond, il connaissait très bien Goethe, et bien d'autres, enfin ce n'est pas la peine de dresser le catalogue de ses lectures, il était beaucoup plus cultivé qu'il le prétendait, et dans le domaine du cinéma en particulier, sa culture était très considérable. De la merveilleuse aventure qui un jour a pu nous unir, je garde malgré ma blessure l'ineffaçable souvenir. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève qui ne veut pas finir. Un souvenir, c'est toute la tendresse des beaux jours d'ivresse que l'on veut retenir. Tous les films, c'est pas l'histoire qui est importante, ce sont les histoires. Pour lui, les histoires qui sont dans l'histoire, les histoires. Ces films ne sont faits que des histoires que l'on raconte, parce que les rapports, pour lui, ne passaient qu'à travers une histoire qu'il pouvait raconter. Si on n'avait pas une histoire à lui raconter, ou s'il n'avait pas une histoire à raconter, il ne se passait rien. Il était incapable de parler, il était incapable. Et il ne voulait pas, parce qu'il n'est pas qu'il était incapable, mais il n'aimait pas ça. Et il ne le voulait pas. Je veux dire, c'est la capacité, c'était aussi quelque chose qu'il détestait. Et il aimait beaucoup les gens qui racontaient des histoires, et il aimait beaucoup en raconter, et tout ça se passait entre temps. Il voulait parler de ses rapports qu'il mettait sans cesse en question avec une femme, il voulait une aventure qui soit de telle façon. Mais cette aventure, si par exemple il n'en avait pas parlé après, c'était une catastrophe pour lui. Il la vivait pour pouvoir en parler après, pour pouvoir la raconter, autrement ça n'avait plus de sens. Et je crois que c'est ça qu'il faut. Et lui, il était un petit peu comme celui qui est là et qui fait rien, et il fait rien lui. J'ai rien fait. Il faisait tout, mais il disait tout le temps qu'il n'avait rien fait. C'est toute la tendresse des beaux jours d'ivresse que l'on veut retenir. Il disait, je crois que Jean Eustache était un, ce qu'on appelle un pur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'essaie pas des combines, qui vraiment dit ce qu'il a à dire sans essayer d'avoir des choses par le pied ou d'avoir une démarche comme ça d'intrigant. Dans le cinéma, il faut tellement flatter les gens, il faut tellement, surtout quand on est réalisateur, pour obtenir des fonds, tout ça. Je crois que c'était quelqu'un qui vivait sa vie très, comme il l'entendait, très simplement et très véridiquement. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure en bref, qui ne veut pas finir. Qu'est-ce que ça raconte, les films d'Eustache ? Ça nous parle profondément de nous, je crois. Alors c'est ça que ça raconte, c'est ça qui est intéressant. Jérôme Preyer. Ce que ça raconte le temps, ça raconte le langage, ça raconte les aventures du langage. Ça montre des êtres humains comme il y en a peu eu sur l'écran au cinéma. Alors ça nous parle de nous profondément. Oui, mais enfin, tout à l'heure en venant, je pensais un peu à ça et je me disais que peut-être Jean Eustache était le dernier. Bon, c'était un marginal à l'intérieur du cinéma français, ça c'est une évidence. Mais que c'était en plus, je crois, un survivant d'une autre époque du cinéma et que c'était peut-être le dernier opérateur des Frères Lumière. Je m'explique parce que c'est un peu paradoxal. Il y a une qualité documentaire de ses films, qu'ils soient documentaires d'ailleurs ou qu'ils soient de fiction, puisqu'il a touché délibérément aux deux genres. Mais c'est pas tellement par rapport à ça. C'est C'est dans le sens où il a eu avec le parlant, parce que c'est un cinéaste complètement de la parole. Il a eu l'intuition très très forte de ce qu'était la réalité de ses contemporains, quels qu'ils soient, enfin que ce soit la réalité de ses contemporains les plus provinciaux ou les plus parisiens, et qui a cette air du temps, cette fragilité de l'air du temps qui est vraiment magiquement captée par ses films et qu'on retrouve 5 ans, 10 ans et sûrement 50 ou 100 ans après. Moi, je trouve ça très très juste, effectivement, c'est le cinéaste d'une époque. Le poète en guenille, les rôdeurs et les filles, les chansons d'Aristide Bruant, les héros populaires, les refrains d'avant-guerre, sont bien loin de nous maintenant. Quand la maman et la putain est ressortie, là, je ne sais plus il y a combien de temps, il y a 2-3 ans. Bon, ça nous avait. Enfin, bon, moi, je sais que c'est le premier film, je crois, que j'ai vu de Stage. Je ne connaissais pas avant ces autres films que j'ai découverts après, tous, avec passion. Mais je crois que l'effet que nous, spectateurs synchrones, enfin, de ce film, on a pu avoir à l'époque, devant ces 3h30 de cinéma. Je pense que les spectateurs qui l'ont découvert là, il y a 2 ans, qui sont d'une autre génération ou enfin plus jeunes ou peut-être pas d'ailleurs. Je crois qu'ils ont dû avoir, pour ceux qui l'ont vu, ils ont dû avoir un choc très très violent parce que ça leur ce cinéma leur parle d'eux quoi toujours. Enfin, ils parlent d'une époque qui est révolue. Enfin, il y a c'est un document historique en même temps. Mais je suis sûr que ça parle, ça continue à parler aux spectateurs profondément. Il y avait longtemps que j'avais envie de faire du cinéma, mais je ne sais que j'avais envie de faire un film sans trop savoir lequel. Et un jour, j'ai eu comme point de départ l'idée de faire jouer ensemble Jean-Pierre Léaud et Françoise Lebrun, mais sans trop savoir ce que j'allais faire. Je les ai rencontrés tous les deux en leur demandant s'ils me faisaient confiance, s'ils acceptaient de jouer dans un film que j'allais écrire, mais je ne savais pas, enfin je ne leur ai même pas raconté l'histoire, je ne la connaissais pas. Ils ont accepté tous les deux, et je me suis mis au travail. Je pensais écrire très rapidement une petite histoire en 8 jours. Or, j'ai mis 3 ou 4 mois. J'allais le matin au café, buvant 2 ou 3 cafés, et j'écrivais. Et au bout de 3 ou 4 mois, je me suis trouvé avec un scénario de 300 pages dont on pouvait supposer que la longueur ne serait pas celle d'un film normal. Si c'est un opérateur des Frères Lumière, c'est un opérateur des Frères Lumière qui savait ce qu'était le profondément ce qu'était le cinéma parlant. Je repense à ça parce que je me souviens une fois, il m'avait dit, mais comme il devait dire à une certaine époque, enfin quand il tournait plus beaucoup, parce que je l'ai rencontré après, et il disait qu'il aimerait bien avoir une boutique sur laquelle il y aurait une enseigne qui serait Jean Eustache ou Eustache cinéaste. Il disait comme il y a des photographes, moi j'irai filmer ce qu'on me demandera de filmer. Enfin, au bout de travail d'écriture, je me suis rendu compte que même un film à 3 personnages tourné à Paris dans les cafés ou dans les appartements de mes amis était quand même assez cher. Et le troisième personnage, c'est Bernadette Lafont. Et en l'écrivant, j'espérais vaguement pouvoir emprunter de l'argent et commencer à le produire moi-même, enfin le tourner. Et je me suis aperçu que c'était quand même très difficile. Même en noir et blanc. Alors, par chance, Jean-Pierre Léo, qui lisait au fur et à mesure, chacun lisait au fur et à mesure, m'arrachait les pages le dimanche pour connaître la suite. C'était un feuilleton. Assez merveilleux. Il a donc montré à ses amis le scénario, et par chance, le scénario a beaucoup plu. Ses amis, c'est qui? Son impresario, enfin les gens qui s'occupent de sa carrière. Et les Bovici? Oui. François Truffaut aussi, je pense, l'a lu. Et bon. Alors, grâce à Jean-Pierre Léo, on a pu intéresser 5 producteurs qui ont chacun mis un petit peu d'argent dedans. Donc l'affaire a été, on va pratiquement monté. Oui, l'affaire a été montée. On s'était engagé à le tourner en 4 semaines. On a presque réussi à le tourner entre 4 et 5 semaines. Pour 3h30 de film, c'est pas beaucoup. Non, c'était chaque jour une épreuve olympique de minutage utile qui effrayait tout le monde. On faisait 15, comme aujourd'hui, 15 minutes. Le lendemain, 12 minutes. Quand voilà. On faisait moins de 10 minutes, on était... Il faut dire que d'habitude, on fait 3 minutes. Oui, c'est ça. Quand on faisait moins de 10 minutes, on était inquiet, on se demandait ce qui se passait. Vous avez fait tout en son direct ? Absolument, oui. Ça, c'est fantastique. Et c'est vous qui avez fait le montage ? C'est moi qui ai fait le montage, oui. Je tourne un peu pour faire le montage, parce que j'ai une passion pour le montage. Ça nous parle profondément, c'est pas parce que ça peut évoquer... Bon, ça peut, hein, évidemment, mais pas parce que ça évoque directement des situations que des spectateurs, que nous avons pu... vivre, traverser, etc. Bon, peut-être pas, mais parce que ça joue avec tout un ensemble de perceptions, d'affections, de sensations, d'état d'âme que tout être humain a en lui. Et c'est cette rencontre entre ces personnages et puis ce qu'il y a à l'intérieur du spectateur qui produit cette étincelle, ce choc, enfin, indépendamment des rapprochements un peu faciles qu'on peut faire que chacun peut faire avec sa biographie. Il comptait beaucoup influer sur les spectateurs. Jean-Noël Pic. Pour la maman et la putain, par exemple, je fais une petite digression, il se souciait beaucoup de savoir ce qu'en penseraient les jeunes femmes de 18 à... Enfin, les jeunes femmes. Ils s'inquiétaient beaucoup de savoir ce qu'elles en penseraient, en quoi ça modifierait leur vie, leur relation avec leurs amants, leur manière de faire l'amour. C'était très important pour lui. Et il comptait un peu plus méchamment sur le même processus à propos de la sale histoire. Il me parlait en riant, par exemple, de la possibilité de dispute dans un couple, après avoir vu ce film. Un couple qui est sorti le samedi soir, la main dans la main, et qui ressort du film, les mains étant désormais désunies, parce que le mari a trouvé ça bien, et la femme a trouvé ça dégoûtant, ou l'inverse. Il aimait aussi présenter cette histoire comme une histoire de l'incommunicabilité entre les sexes. On parle assez du mystère et du continent noir, c'est très à la mode de l'éternel féminin, que veulent les femmes, que sont-elles ? Et là, c'était un film sur le mystère du désir masculin, dont les femmes ne veulent rien savoir, et quand l'homme ose, a le culot, a le manque de galanterie d'en parler, elles sont profondément indignées. Il comptait beaucoup donc sur l'impact de ces films, sur quelque chose qui pourrait modifier. Ce n'étaient pas des films didactiques, bien sûr, il avait horreur de ça, hein, pas des films à message, mais des films qui devaient avoir un effet jusque dans le comportement le plus intime des gens. Un soir, je décide que c'est important pour moi d'aller au cinéma toute seule. Ça faisait à peu près 2 ans que je vivais, disons, pour dire vite, avec un monsieur. Et on allait au cinéma ensemble, on dînait ensemble, on partait en vacances ensemble. Et pour moi, c'était ce jour-là important de dire non, c'est pas ma vie, ma vie, c'est aussi moi. Et il se trouvait donc que le film La maman et la putain ressortait à Paris. C'est un film, bon, que je connaissais de réputation sans l'avoir vu, ce qui n'est pas vraiment connaître un film. Mais je m'étais toujours dit, c'est un film à moi, c'est un film pour moi. Donc c'est pas forcément la peine de se précipiter pour le voir. Donc 10 ans après sa sortie, je prends le prétexte de son passage à Paris pour avoir un peu un geste de prise d'autonomie par rapport à ma vie. Et ben ça a été complètement raté. Parce que je me suis retrouvée place Saint-Germain-des-Prés avec mon amie. Et je lui ai dit, 10 fois, 20 fois, 100 fois, non, ce film, je veux le voir seul. C'est un truc à moi. Je veux y aller toute seule. Je n'ai pas réussi, il m'a suivi jusque dans le cinéma, en faisant un peu le pitre. On a vu le film ensemble. Et quand on est sorti du cinéma, comme je considérais avoir vu ce film seul, je ne voulais pas en parler. Ce que mon ami n'entendait pas de cette oreille. Et il m'a suivi, il a continué à me suivre, moi ne voulant pas parler, et lui continuant à poser des questions, à ne pas comprendre, tout d'un coup, quelle mouche m'avait piqué. Et on a parlé jusqu'à 9h du matin. Je ne sais plus très très bien de quoi, on a parlé du film, on a eu des conversations qui ont été comme des flashbacks de notre, de nos 3 ans passés ensemble avant. Et je dois dire que cette nuit-là et ce film ont été une espèce de moment clé, de moment charnière. Il s'est passé quelque chose, j'ai vu un film, et ça a été la rencontre d'un moment d'une histoire personnelle avec, je sais pas comment dire, un objet culturel, pour, oui, qui passait par là. Et bon, cette rencontre a été déterminante. Depuis, la vie avec cet ami qui a continué n'est plus la même. Votre petite tête y comprend tout. J'y raconte des grands trucs grandiloquents et absolument ridicules et prétentieux. Ce qui est très amusant entre nous, c'est qu'il y a quelqu'un qui se prend au sérieux et quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux. Devinez qui se prend au sérieux. De nous deux ou de nous trois? De nous deux, d'Alexandre et de moi. Écoute, Marie, permets-moi au moins une fois. Mais je te permets. Permets-moi, je t'en prie, Marie. Permets-moi pour une sombre histoire de cul. Vous prenez tous les deux une fois pour toutes que pour moi, histoire de cul n'a aucune importance. Que vous baisiez, j'en ai rien à foutre. Je suis tellement heureuse avec vous. J'en ai rien à foutre. Vous prenez-le au moins une fois pour toutes, j'en ai rien à foutre. Que je vous aime. Regardez, je commence à être saoule et je bégais. Et c'est absolument horrible parce que ce que je dis, je le pense réellement. Mais je pourrais rester tout le temps avec vous. Moi, je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux en bouillie de mythe, d'un air sournois en pensant « Oui, ma petite, tu peux toujours poser, mais je t'aurai. » Vous en prie, Alexandre, je joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez? Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui se fait baiser par n'importe qui se fait baiser n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Les deux personnages de femmes du film m'intéressaient, me concernaient. Le personnage de Léo aussi, d'ailleurs. Et à la vision de ce film, je n'ai absolument pas su à qui je pouvais m'identifier. En fait, j'avais envie de m'identifier au film. Et l'ami avec qui j'étais voulait absolument que je m'identifie soit à une figure de maman, soit à une figure de putain. Et je crois que bon, cette nuit de conversation, j'ai joué sur tous les registres. En racontant des choses, j'ai... 3 minutes jouer la putain en lui racontant des aventures pas vraies, rien que pour faire le personnage. J'ai raconté des histoires de où j'étais quelqu'un comme une maman sans enfant, mais une maman quand même. J'ai raconté des histoires où je pouvais passer pour quasiment un monsieur dragueur qui traînait dans les bistrots nuit et jour et vivait comme ça. En se faisant entretenir, bon, toutes choses absolument fausses, auxquelles la personne à qui je m'adressais a totalement souscrit. Ce qui fait, bon, je crois que c'était déterminant aussi parce qu'il a plus su après comment me voir. Le film, en tout cas, cette histoire de Léo, ce personnage des deux femmes, m'a dit que dans les relations entre hommes et femmes, dans les relations d'amour, bon, il n'y a pas de relation d'appartenance. Et c'est un peu ça que dans mon histoire, je voulais casser. Et le film est tombé à pic. Et il a un peu précipité les choses. Et ce qui m'impressionnait, effectivement, je crois que le personnage de Françoise Lebrun, par exemple, il y a une image qui m'est restée, parce que peut-être elle était aussi dans ma tête avant, c'est quand elle est assise contre un mur et elle pleure. Elle est dans une pièce, les autres parlent. Et elle est absolument solitaire. Et ça a en même temps un côté un peu amusant, parce que bon, c'est du cinéma. Mais cette image existe. Ascenseur et chauffage ont couvert les anciens talus. Le petit Louis réaliste est devenu garagiste. Et Bruant a maintenant sa rue. Julot sera de l'Institut bientôt. Et Nini possède un château. Il n'y a plus de fortifications, ni de petits bistrots. En 1973, Christian Bourgois, mon ami Michel Roux, qui était un haut fonctionnaire d'enquête au Conseil d'État, qui par la suite est devenu directeur général de l'INA et qui avait appartenu au cabinet du ministre de la Culture du Hamel, m'a proposé de faire partie de la commission qui était chargée de proposer une liste de films pour les festivals à l'étranger, enfin un certain nombre de grands festivals, et pour le festival de Cannes. Le résultat de cette année-là fait que ce travail astreignant et parfois bien désespérant a été un de mes grands souvenirs de cinéphile, parce que nous avons décidé d'envoyer à Cannes La Grande Bouffe et La Maman et la Putain. Et je dois dire que plus de 10 ans après, c'est un choix qui remue encore enfin les gens à Cannes. Donc, je reviens et cette personne n'a oublié cette sélection inattendue qui n'avait pas soulevé de protestation dans un premier temps, car ce qu'on oublie, c'est que c'est Maurice Druon qui venait d'être nommé ministre de la Culture qui a entériné la proposition de la commission sans savoir ce qu'on lui faisait signer, puisque la procédure de l'époque qui a varié par la suite, mais c'est que la commission était toute compétente, était entièrement compétente pour établir cette liste, et que les deux ministres de la Culture et des Affaires étrangères entérinaient ou refusaient leur choix. Mais là, il y avait eu un changement ministériel récent, et donc ils avaient entériné le choix de cette commission sans que les films aient été vus par des membres du cabinet de l'un ou de l'autre. Alors, La Grande Bouffe et La Maman et la Putain sont allés à Cannes et ont suscité immédiatement, avant même d'être projetés à Cannes, toute une cabale qui a été menée par Image, par Télé 7 Jours, par Le Figaro, par François Chalet, par Michel Droit, par Divo, je crois, qui était rédacteur en chef de Télé 7 Jours, enfin sa femme, j'ai oublié le nom, qui était une critique cinématographique. On nous a à peu près accusé d'avoir trempé le drapeau français dans la merde. Je me souviens d'une sorte de liste de dénonciation dans un journal catholique d'extrême droite, en disant il faut qu'on se souvienne des noms des gens qui ont envoyé de pareils films, qui ont déshonoré la France en envoyant de pareils films à Cannes. Et alors, si nous revenons surtout alors au film d'Eustache, je connaissais pas Jean Eustache. Je dois dire que à la première vision de son film, ça reste enfin justement un de mes grands souvenirs de cinéma. J'étais complètement bouleversé par ce film, parce que faisait Eustache, ce qui était dit, mais ce qu'il faisait dire et la manière dont il le faisait dire. Et qu'il y a eu immédiatement, je me souviens, nos projections de la rue de Lübeck, un consensus qui était curieux, si on y réfléchit, parce que un des supporters les plus enthousiastes était Robert Bordas, ce qui à l'époque était président du Centre Pompidou, conseiller d'État, ancien président de l'ORTF, grand fonctionnaire français, enfin un personnage très, très officiel. Qui s'est battu avec un enthousiasme de jeune homme pour ce film. Il y avait Bordas, il y avait Samuel Lachis de l'Humanité, il y avait un journaliste qui était le critique de La Croix, il y avait une propriétaire de salle de cinéma à Paris. Enfin, il y avait donc des gens, si vous voulez, qui étaient des cinéphiles, des critiques, mais qui n'étaient pas des membres, je dirais, de l'appareil. Et c'est donc la raison pour laquelle je crois que ce choix a été vraiment original. Alors quand après ça on est allé à Cannes, qu'on a assisté à la projection dans la grande salle de l'ancien palais des festivals, c'est un des souvenirs les pires de Cannes, enfin où j'ai peu été d'ailleurs, mais enfin je veux dire des souvenirs de théâtre ou de cinéma. C'était une salle qui a reçu de manière absolument abjecte ce film, en insultant Françoise Lebrun dans l'obscurité, mais d'une manière tellement obscène qu'on ne peut pas répéter les propos qu'on entendait autour de nous, de gens que ce film avait rendu absolument fou de rage. Et quand la lumière s'est rallumée, il y a eu une espèce de grand silence, parce que tous ces gens qui avaient hurlé des obscénités à cette malheureuse actrice, qui était blême absolument, exact, tout le monde était blême, mais les gens se sont tus, et donc on est sorti dans un silence terrible. Descente traditionnelle de ce fameux escalier, tant bien petit à côté de celui qu'on a maintenant. Mais enfin, tout ça, si vous voulez, le rite se déroulait dans un silence absolument glacial. Et ensuite, la presse, toute une partie de la presse s'est déchaînée contre ce film. Oh, mais il y a quand même eu des gens qui l'ont applaudi. Il y a des gens qui l'ont applaudi, et il y a des gens qui l'ont soutenu, il y a des critiques qui l'ont soutenu. Mais ce que je veux dire, l'impression qu'on avait, c'est que, et ça s'est renouvelé d'une manière encore plus violente, je crois, avec La Grande Bouffe, c'est qu'on avait envoyé à Cannes des films qui n'auraient pas dû y aller. Si les gens pouvaient piger une seule fois pour toutes, le baiser c'est de la merde. Il y a une seule chose très belle. C'est baiser parce qu'on s'aime tellement. On voudrait faire un enfant qui nous ressemble. Et autrement, c'est quelque chose de sordide. Il faut baiser quand on s'aime vraiment. Oui, je ne suis pas saoule. Si je pleure, je pleure sur toute ma vie passée. Ma vie sexuelle passée qui est si courte. 50 vies sexuelles, c'est très peu. Je crois qu'un jour, un homme viendra et m'aimera. Il me fera un enfant parce qu'il m'aimera. J'ai déjeuné avec mon vieil ami Yannick Flo, qui faisait partie de cette commission de 73, qui à l'époque était journaliste à l'agence France Presse chargée des problèmes de cinéma, et qui me disait avec une satisfaction amusée que 12 ans après, des journalistes, des professionnels qu'il rencontrait du fait de ses fonctions officielles au festival, justement maintenant, rappeler avec une certaine nostalgie le choix de cette année 73 et surtout que l'année qu'en 72 on avait envoyé à Cannes des films dont je préfère ne plus citer les titres qui se sont d'ailleurs bien oubliés depuis et qu'on avait atteint le degré zéro de la médiocrité de choix. Moi, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir pu utiliser une parcelle de pouvoir qu'on me donnait à ce moment-là pour que La Maman et la Putain devienne un film qu'on pouvait voir dans d'autres conditions et qui pouvait être assuré à ce moment-là d'un lancement qui n'aurait pas eu autrement. Donc moi, j'avais rempli une mission, oui. C'est un grand mot, mais disons un contrat d'amitié vis-à-vis de lui. J'aurais aimé le voir davantage et puis ça s'est pas fait, quoi. Pour moi, c'est indiscutable que Stache était un auteur, un grand cinéaste, un auteur, et moi je suis vraiment attaché à cette conception de cinéma d'auteur par rapport à ce que j'appellerais un cinéma de prototype dont le cinéma américain ces dernières années nous donne de superbes, magnifiques exemples, mais qui pour moi ne sont que précisément des prototypes dans des séries de films très très bien faits, mais qui sont de moins en moins des films d'auteur où je l'entends, disons, d'une manière un peu caricaturale dans la tradition. Dans la tradition des grands numéros d'acquis du cinéma des années 50-60 qui ont nourri ma culture cinématographique. Sur l'écran, ce film, c'est une vraie parole de quelqu'un qui je sais pas, je peux pas parler à la place de Stache, hein, qui met un peu à distance sa sensation de la vie. Mais on le sait, nous, spectateurs. Bon, c'est pas un faiseur, quoi, c'est pas... Il fait un film comme d'autres font de la peinture, parce que c'est une nécessité pour eux, je pense. Que c'est pas une nécessité de circuit de production. S'il n'y avait pas eu le film, Stache aurait trouvé autre chose. De toute façon, pour... J'aime pas le mot s'exprimer, mais... Pour faire savoir, disons. Il aurait peut-être peint, il aurait peut-être, écrit... C'est cette découverte de l'inconnu que j'éprouve le besoin de communiquer, ou de trouver moi-même. Des fois, c'est ma motivation profonde. Et quand j'ai désiré faire La Maman et la Putain, je ne savais pas du tout quelle serait la situation et les personnages du film. Je me souviens d'une formule qui est peut-être absurde, mais la première chose que j'ai dite à un ami, je lui ai dit, je vais écrire un film et je vais mettre la parole à la question. Et le cinéma me paraît vraiment le meilleur moyen pour mettre la parole à la question. Je ne savais pas encore de quoi allait parler le film. Alors tout ce qu'on a dit, situation scandaleuse, le langage cru, le je ne sais quoi, le parisianisme, c'était pas du tout dans mon... c'était le matériel. J'aurais pu en prendre un autre. Je ne sais pas, peut-être. Je ne me suis pas posé la question. Ce que je ne savais pas où j'allais. Mais je savais que j'avais confusément le sentiment que j'avais besoin à cette époque de mettre la parole à la question. J'appelais ça comme ça. C'est pour ça que le film est parlé. On a dit, ça ne bouge pas, ça parle. Mon propos était d'interroger la parole. De la merveille d'aventure qui un jour a pu nous unir, je garde malgré ma blessure l'ineffaçable souvenir. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève. Allô? Un instant, s'il vous plaît. Allô, oui, c'est moi. C'est Véronica, je t'en parle de l'appareil. Je vous prie de m'excuser, je suis désolée pour hier, mais je n'ai pas pu me libérer. J'étais retenue par une urgence, ça n'a vraiment pas été possible. Vous êtes furieux? Oh non, pas du tout, je dirais même que je suis très content. Vous vous moquez de moi? Je vous assure que non, ça n'a aucune importance. Je ne vous en veux pas du tout, au contraire. Mais on pourrait remettre ça, si j'ose dire. Avec cette petite différence que j'espère que cette fois, vous viendrez. Eh bien, je ne sais pas, ce soir, si vous voulez. Enfin, moi, je peux ce que je veux. Ce soir, alors, où voulez-vous? Ben, ce soir à 5 heures, ou même en 3. Entendu, à ce soir, à 5 heures. Bon, à ce soir. Au revoir. Il s'intéressait beaucoup aux femmes. Il avait le souci de la manière dont elles pourraient réagir. Il avait le désir, que je trouvais très touchant, que les femmes puissent le regarder favorablement en pensant, lui, cet homme, Stache, il connaît bien les femmes, il nous connaît bien. Il se demandait perpétuellement comment elles réagiraient. Je crois que ces films étaient un acte d'amour et en même temps un acte de conquête, avec tout ce que ça représente d'un peu louche, d'un peu suborneur, d'un petit peu pervers. Mais c'était un acte d'amour. J'avais vraiment très envie de jouer. Françoise Lebrun. J'avais l'impression que je pouvais le faire. Cannes, 1973. Et tant que je n'avais pas fait réellement ce que je sentais, il y avait une sorte de, pas de frustration, mais en tout cas de point d'interrogation. Et pour moi, le tournage du film m'a personnellement donné confiance en moi. Il y a des scènes vraiment difficiles dans le film. J'avais l'impression que je pouvais le faire. Mais je mourais de peur, parce qu'il fallait vraiment se jeter à l'eau, il fallait y aller. Savoir que j'avais pu aller jusqu'au bout, je m'entends, m'a rassuré un peu sur moi. Pour le tournage, c'était davantage une lutte avec moi, enfin une recherche. Et puis avec des gens extrêmement exigeants, enfin Jean-Eustache est quelqu'un de très exigeant aussi, et ça oblige vraiment à... on ne triche pas. Je pensais que le film ferait quelque chose d'important. Ça, je sentais que c'était un film fort et qui ferait éclater des choses. Et moi, je n'ai rien inventé. D'abord, comme dit Alexandre, je suis contre l'invention. Je suis contre tout ce qui est nouveau. Je suis pour tout ce qui est ancien. J'ai fait dans ce film, comme vous avez pu le voir, beaucoup de fondu au noir. Chose, écriture très démodée. J'ai fait des chants contre chants. Écriture très contestée. On dit, on fait des gens quand on chante, quand on est incapable de faire autre chose. J'ai fait beaucoup de choses qui ont été très contestées dans le cinéma depuis une quinzaine d'années. Je n'ai rien voulu prouver, mais je pensais que la modernité n'était pas le signe de la modernité et que beaucoup de films où la caméra virevolte, etc., c'est les signes de la modernité, sans la modernité. Moi, j'ai essayé, paradoxalement, d'avoir la modernité sans les signes. Vous avez aussi écrit un texte sur mes petites amoureuses, mmh. et un autre sur une seule histoire. Alors, mes petites amoureuses. Petites. Petites, oui, oui. C'est un film curieux, enfin, par rapport à ce qu'on... pouvait attendre de Stache. Enfin, quand on voit le Père Noël a les yeux bleus, les mauvaises fréquentations, c'est un film qui paraît luxueux, qui paraît obéir à une esthétique qui est pas tout à fait celle des films précédents, mais qui le faisait revenir à une blessure d'enfance, enfin, je pense, enfin, en tout cas, qui nous fait revenir, nous, à une blessure d'enfance, enfin, à des souvenirs d'enfance, à un sol natal. C'est un film à part, je trouve. C'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est un film à part. Avant de le faire, je racontais, et quand on me demandait ce que c'était, je disais que c'était le récit de... Le film était la somme de ce qui n'avait pas eu lieu. C'est-à-dire, c'est un film négatif. C'est l'histoire de... puisque il s'agit d'un jeune garçon, de la famille qu'il n'a pas eue, les études qu'il n'a pas faites, les amoureuses qu'il n'a pas eues, l'aventure qu'il n'a pas vécue. Et quand le film s'achevait, eh bien, on pouvait penser que le film n'avait pas eu lieu, puisque à la fin, rien n'a eu lieu. Il y a plus des personnages de fiction et des personnages de... Alors que ce sont des inconnus, qu'il y a Piala qui faisait un rôle magnifique, mais que ce sont plus des personnages de fiction, des personnages romanesques, que des êtres vivants, comme il y a dans les autres films de Stache. Enfin, comme ça, il y a un effet de captation violente d'êtres humains qui jouent leur vie, enfin, alors qu'on sait bien que ça a été écrit, que c'est complètement scénarisé, qu'il ne laissait rien à l'improvisation. Mais on a l'impression qu'il a prélevé des êtres humains de la réalité, et puis que c'est eux qui nous montrent. Alors que le reste, enfin, que pour moi, le cinéma en général, c'est plutôt des semblants d'êtres humains, c'est des personnages qui appartiennent, bon, ça dépend des écoles et de la façon d'envisager le cinéma, mais dans une certaine lignée à laquelle appartenait Eustache, les personnages des films, je sais pas moi, de Pagnol ou de Guitry ou de Renoir sont beaucoup moins fortement des êtres humains que des personnages. Et bon, c'est ça qui est sidérant, parce que quel art pour retrouver ça, pour recréer ça. Je voulais donner ce titre à un film depuis une dizaine d'années. C'est le titre d'un poème de Rimbaud, et j'ai trouvé ça très joli. Et j'ai pensé qu'un jour, il y a très longtemps, je ferais un film qui s'appellerait comme ça. Le temps, il a fallu tellement de temps que je n'y croyais plus. Le temps de mûrir, le temps que le film se fasse tout seul, c'est-à-dire s'impose, où chaque mot s'impose. Il faut beaucoup de temps pour ça, si on ne veut pas brusquer, si on ne veut pas aller trop vite et bâcler. Il faut beaucoup de temps, autant pour réfléchir que pour écrire et pour le faire. Mais quand on est avec la caméra, les acteurs dans un décor, c'est la page est blanche également, il faut la remplir, c'est horrible, c'est absolument difficile, c'est horrible. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. C'est jamais méchant, je crois, c'est jamais méchant, mais c'est plein de c'est pas l'ironie, c'est plein d'humour. Enfin, il y a pas d'attendrissement sur soi, ou il y a pas d'attendrissement sur soi, il y a pas d'agressivité contre les personnages. Le petit garçon, c'est une mécanique. C'est une mécanique. Non, ce n'est pas moi. Moi, je suis derrière la caméra. Les questions qu'il se pose, sont des questions que que je me sont des questions que je me suis posées. C'est pour, comme je n'y ai pas trouvé de réponse, j'ai éprouvé le besoin d'en faire un film. Mais c'est assez l'origine du film est assez perdue dans le temps. Il y a, on ne sait pas. Début du film. Il est dans un univers familier. Il est sans doute. Il a dû naître là et grandir là. Il est chez lui. Rien n'a. Ne s'est jamais aperçu de quoi. De rien. Il est un peu plus grand que ses camarades d'école. Peut-être travaille-t-il mieux. Il est tout à fait à son aise. Il fait un peu ce qu'il veut. Et tout à coup, il va pratiquement dans un autre pays. Et il faut apprendre une nouvelle civilisation et d'autres mœurs. Le deuxième pays dans lequel il va, on le regarde le découvrir. Dans la première partie, le spectateur voit tout à la fois lui et le contexte dans lequel il est. Et comme il s'en va, il va ailleurs, loin. Là, à mesure qu'il découvre ce monde, on découvre le monde, mais on le regarde le découvrir. Je travaille ici toute la journée. Nous arrivons quand même à manger tous les jours. Les époques, je m'en fous. Ce qui m'intéresse davantage, c'est ce qu'il y a d'éternel. C'est pas ce qu'il y a d'actuel. Dans tous les films depuis 68, dans tous les films bien français, bien bourgeois, il y a toujours un fils contestataire. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est, on a besoin de ça pour. Il ne faut surtout pas le passer sous silence. Il faut vraiment l'intégrer dans la vie pour que ces contestataires le servissent. C'est pourquoi je préfère que les personnages que je montre ne soient pas révoltés, parce que ça n'a. Filmer une personne révoltée, ça ne sert strictement à rien qu'à tranquilliser les gens qui sont déjà. Il faut faire les choses autrement, je crois. J'avais des choses à dire. Pourtant, je me taisais. As-tu pensé à ce que tu aimerais faire? Non. Il y a quand même des choses qui t'intéressent. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. Il y a longtemps, tu as parlé de radio. Tu as dit que c'était un bon métier. Oui. José peut essayer de trouver quelqu'un avec qui tu pourrais apprendre tout en travaillant. Il connaît des gens. Mais c'est pas facile dans une petite ville. En attendant, il faut que tu fasses quelque chose. Et ils sont culottés les gosses aujourd'hui. Hein. Ils ont aucun respect pour quoi que ce soit. J'essaie de maintenir le mien à l'école et ils veulent rien savoir. Hein. Ben le temps, il est petit. Le temps, quand j'avais son âge, moi, mon père m'emmenait avec lui travailler la terre. Et toi, t'as été à l'école? Oui. Ah ben, tu vois, tu travailles comme les autres. Tu crois que tu travailles mieux? À quoi ça servit? À faire dépenser de l'argent à tes parents? Oui, je sais. Il aurait fallu continuer. Continuer quoi? Les études, les poursuivre. Si t'en avais été capable, t'aurais continué? Non. Je crois que ce n'est pas la raison. Tu veux faire le malin, mais tu seras comme nous, toujours un pauvre type. Et tu te souviens de ce que t'as appris? Tu te souviens de quelque chose? Oui, de tas de choses. L'alphabet, tu t'en souviens? Bien sûr. Bah, vas-y pour voir. Quoi? Vous voulez que je récite l'alphabet? Puisque tu le connais. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, L, T, U... C'est comme ça qu'on apprend l'alphabet dans ton pays? Oui, pourquoi? On l'apprend comment chez vous? A, B, C, D, E, F, G... C'est comme ça qu'on apprend l'alphabet? Inversement à d'autres, j'essaie de ne faire qu'un avec le métier que je fais. Alors, c'est plutôt moi qui essaie de m'approcher des personnages que je mets en scène plutôt que le contraire. C'est moi qui essaie de faire corps avec eux. Je pense que le cinéma est une chose inutile. Ah bon. C'est-à-dire? C'est une chose inutile. Maintenant, il y a beaucoup de choses inutiles, mais Alors le cinéma est un peu perdu parmi les autres, mais enfin le cinéma est une chose assez absolument inutile, et vouloir penser en espérant d'avoir une influence quelconque sur le monde, l'utopie, enfin c'est même pas l'utopie, c'est complètement insensé. Si ça peut faire passer 2 heures aux gens, voilà, c'est la seule utilité que ça peut avoir. Voilà, je vous trouve un peu désabusé là sur la fonction du cinéma. J'ai jamais pensé à autre chose. Je ne m'étais pas posé la question, mais quand on me l'a posé, je me suis aperçu que si ça peut permettre de faire passer un moment aux gens, c'est déjà formidable. Se demander davantage, c'est. Il ne faut pas. Je retiens dans ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix. Des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Vous avez aussi tourné avec lui le film qui s'appelle Une seule histoire, et puis ce film donc sur ce peintre, Bosch. Comment ça s'est fait ces deux films? Comment il a organisé ça? En ce qui concerne Une seule histoire, c'est une histoire que je lui avais racontée. Jean-Noël Pic. Peut-être plus d'une fois d'ailleurs. Enfin, à lui, je l'avais raconté une seule fois. Je précise bien que c'était une histoire que je racontais. À lui, directement, sans doute une seule fois, mais il m'était arrivé de le raconter à d'autres personnes, également en sa présence, puisqu'on se voyait assez souvent. Et nous étions donc assez fréquemment témoins l'un de l'autre. Je l'ai entendu répéter plus d'une fois la même histoire. C'est ce que je faisais moi-même. Et un beau jour, il m'a proposé de la raconter sous la caméra. J'étais étonné une fois de plus. Je me demandais comment il pourrait faire un film de cette histoire. Lui-même n'avait pas d'idée ou prétendait ne pas avoir d'idée. Il m'avait présenté ça comme un essai qui peut-être tomberait dans les archives oubliées du cinéma. Il avait, je crois, envisagé un moment d'en faire un film... un peu en référence à Sacha Guitry, c'est-à-dire un film où l'important serait l'histoire racontée, serait l'auteur qui la raconte, et puis en support viendrait de temps en temps comme une série d'images d'Épinal, viendraient des images qui relateraient cette intrigue, si l'on peut appeler ça une intrigue. Qui illustrerait cette intrigue. Le tout étant tenu par la parole, comme dans les films de Sacha Guitry. On a l'impression que c'est vraiment la voix de Sacha Guitry, le discours de Sacha Guitry, les jugements de Sacha Guitry, la complaisance à parler de Sacha Guitry qui compte. La fiction au cinéma, c'est en même temps Robin des Bois, c'est tout le cinéma hollywoodien, c'est tout le cinéma, enfin c'est énormément de cinéma. L'usine à rêve, si vous voulez. Et là, je voulais prouver que l'usine à rêve ne fonctionnait que par l'interprétation, c'est-à-dire la seule fiction de ce film, puisque c'est une situation réelle qui a existé, qui est préalablement enregistrée, les acteurs n'avaient pas connaissance, n'avaient connaissance que d'un texte, et ignoraient qu'il y avait déjà un film. Je voulais que ce film devienne de fiction par le seul fait de l'interprétation, c'est-à-dire un acteur, le jeu, crée la fiction. Le personnage qui raconte cette histoire, je me trouve... pas d'autre formule, on m'a posé la question, l'a-t-il ou non vécu? Que m'importe, la question n'est pas là. Et il éprouve le besoin, c'est pourquoi j'ai éprouvé moi-même le besoin de faire le film en partie, il éprouve le besoin de le dire, car il a l'impression d'avoir saisi quelque chose de très secret et qu'il ne peut pas garder pour lui. Il éprouve le besoin de raconter cette histoire de la façon dont il la raconte, parce qu'à travers cette histoire, il a compris un certain nombre de choses qui régissent, non seulement la sexualité, mais... les rapports des hommes et des femmes dans la civilisation, et avec des affaires, des rappels historiques, c'est un peu ça. Il a trouvé quelque chose et éprouve le besoin de le dire. C'était un café assez vide, il y avait assez peu de monde qui venait, avec de brusques afflux, enfin j'y fais pas attention. Et puis, peu à peu, j'ai cru observer l'ironie des garçons quand ils me regardaient. Une fois, j'ai entendu très nettement... Et pourtant, il est jeune, celui-là, il n'est pas comme les autres. Alors, je ne comprenais pas. Et puis, une autre fois, j'ai entendu très très nettement cette fois, et tout ça pour un trou. Ça commence par des histoires de café. Jean-Christophe Penchèvre. Le personnage, enfin disons le narrateur, qui se soit dans un cas ou dans l'autre, a l'impression qu'il est curieusement considéré par les garçons du café. Et il entend tout un tas de réflexions à son propos. Et finalement, je crois me souvenir que c'est un ami qui lui dit quelle est la particularité des toilettes de ce café. C'est qu'elles ont un trou en bas de la porte des toilettes femmes, ou en s'aplatissant par terre dans une position qu'il qualifie lui-même de prière arabe, je crois. On peut voir donc le sexe des femmes qui sont dans ces toilettes. Alors donc lui commence à prendre de l'intérêt à ce dispositif, justement, qui est vraiment un dispositif. Et il commence à voir aussi que toute la vie du café se déroule autour de ça. Donc qu'il y a des espèces de préséances des gens qui descendent voir. Comme dans les films de Sacha Guitry, c'était la parole qui était la plus importante. Et les personnages qui jouaient, l'intrigue animée de l'action qui est en train de se dérouler, ce ne sont que les marionnettes de la parole de Sacha Guitry. C'est la parole de Sacha Guitry qui compte. Il comptait éventuellement en faire quelque chose comme ça. Puis l'idée lui est venue, sans qu'il en ait discuté avec moi, de faire, une fois que nous avons tourné le film, assez rapidement, dans des conditions spontanées, ça s'est fait en quelques heures, en une soirée. L'idée lui est venue de faire une espèce de duplicata, c'est-à-dire de reprendre la même histoire sans changer un mot, à vrai dire deux ou trois mots ont été changés. Mais enfin, en changeant très peu de choses, en maintenant même les erreurs qui frôlent le lapsus, le léger bafouillis quand on parle dans des conditions de conversation normales et qu'on n'a pas un texte élaboré, il a décidé de le retourner avec un acteur professionnel. C'est là qu'il a choisi Lonsdal. Et donc il a choisi de réaliser ce jeu double de rapport entre la réalité et la fiction. Où est la réalité, où est la fiction, quelle est la version vraie, spontanée, quelle est la version qui a été tournée, en quoi le même peut-il être différent, d'où vient le mystère de la différence entre deux films alors que c'est exactement la même histoire, mais les conditions de tournage différentes, les personnages différents qui écoutent et qui parlent modifiaient tout. Donc il s'est livré à ce jeu. Je crois vraiment que c'était un jeu expérimental. Et il le présentait vraiment non seulement comme un jeu, mais comme une espèce de coup. Il aimait bien faire un coup quand il faisait un film. Il pensait beaucoup à l'auditoire abstrait des hommes et des femmes qui allaient écouter ça. Eustache n'intervenait pas du tout. Il faisait tout à fait confiance à ses acteurs, il m'a laissé parler tout à fait librement. Et il a laissé les personnes, c'est-à-dire les quatre femmes qui étaient en face de moi, intervenir comme elles le souhaitaient. Et par la suite, lorsqu'il a monté le film, il a maintenu intégralement tout ce qui est le corps de l'histoire, c'est-à-dire le monologue de celui qui raconte, moi en l'occurrence, il a maintenu intégralement, en ne changeant rien, en ne supprimant pas un soupir, en ne supprimant pas ce qui peut correspondre graphiquement à des points de suspension, en ne supprimant pas certaines redondances. Par contre, il a coupé beaucoup dans le dialogue. Il y a eu non seulement un dialogue, mais une espèce de discussion animée et très contestataire. Les dames qui étaient là, qui ne s'attendaient pas à ce genre de sujet, ont réagi elles-mêmes très spontanément et essentiellement en désaccord avec cette histoire, qu'elles trouvaient passablement dégoûtante, tout à fait indigne d'être filmée. Et révélant des choses très peu louables sur le personnage qui osait presque se vanter d'une aussi ignoble histoire. Alors là, il a supprimé, je lui ai demandé pourquoi, parce que c'était parfois assez drôle. Or, il m'a dit, c'est là qu'on voit qu'il était très sensible à la manière dont pourrait réagir la foule des spectateurs, il m'a dit qu'il ne fallait pas mettre le débat sur l'écran parce qu'il souhaitait que le débat soit dans la salle. Il n'a rien ajouté, rien retranché, il ne m'a influencé en rien. Et une fois de plus, m'a demandé surtout de ne pas préparer, de ne pas avoir un texte que j'apprendrai. J'étais bien d'accord parce que j'estime que s'apprendre soi-même par cœur, c'est tout de même être assez fou. Donc je me suis contenté de la raconter, cette histoire, une fois de plus, un peu pris déjà dans les termes que j'avais employés, et puis les modifiant aussi par la force des choses, puisqu'il y a forcément une modification d'un récit à une autre version de ce récit, à une répétition de ce récit. Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment à leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Ça fait d'être un printemps et le printemps fait l'amour. Alors, vous l'avez rencontré à l'occasion du tournage d'une sale histoire. Il vous a appelé pour vous proposer. Et comment ça s'est passé? Il vous a envoyé le scénario, il vous a expliqué un peu de quoi il s'agissait, que ce n'était pas un film dans le sens d'un... Il est venu là s'asseoir sur ce canapé où vous étiez, et puis comme ça, très timidement, modestement, il m'a demandé si je voulais le faire, mais enfin, qu'il comprendrait très bien que je ne veuille pas. Enfin, c'était pas quelqu'un qui était sûr comme ça, qu'on allait tout de suite adhérer à lui. Enfin. Michael Lonsdal. Et puis, on a parlé, comme ça on est sortis, on est allé déjeuner. Et c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup, enfin c'était pas un homme qui aimait tellement expansif, enfin qui parlait volontiers du cinéma. Il était très secret et sa conversation, il aimait plutôt parler d'autre chose que du cinéma en fait. Mon blé s'est perdu sur les bords d'un jardin. On me l'a jamais rendu et pourtant je sais bien. Les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants de drôles de passants. Est-ce que vous savez pourquoi il a choisi Michel Lonsdal pour être votre double? Ah, je ne sais pas du tout pourquoi il a choisi Michel Lonsdal. Je crois qu'il aimait bien. Il ne donnait pas ses raisons, finalement. Il parlait beaucoup, mais était assez secret. Je crois aussi qu'à propos de la sale histoire, la tête de Lonsdal lui convenait. Il disait, avec amitié évidemment, Lonsdal a une tête louche. Il ne fallait pas le prendre comme une injure, et Lonsdal aurait tout à fait tort de le prendre comme une injure. Il a une tête louche, avec son drôle visage, sa drôle d'élocution. On peut très bien l'imaginer ayant fait des choses pareilles, beaucoup plus que toi-même, disait-il. Et quand certains s'y sont trompés, d'ailleurs, dans ce mythe absurde, cette illusion absurde dont je parlais tout à l'heure, de vouloir savoir qui a vécu réellement cette histoire et si elle s'est réellement passée comme ça, il y avait quelques personnes qui disaient c'est sûrement Lonsdal, finalement, qui a vécu ça, alors que sur le générique, il est écrit en toutes lettres « Histoire de Jean Alpic ». Ça l'amusait énormément. Quand il y avait également une confusion, tel cinéaste pourtant assez connu, qui avait dit « Lonsdal, étant un comédien professionnel, c'est ne pas être trop comédien, ne pas parler avec cette voix des profondes disques qu'ont les comédiens, ne pas trop jouer sur la maîtrise. Par contre, ton vieil acteur de la télé, là, lui, était très mauvais, ça le faisait énormément rire. Je veux bien spontanément jouer comme un vieil acteur de la télé, mais je ne suis pas un vieil acteur de la télé. Et là, il ne détrompait jamais les gens, leur laissait croire absolument tout ce qu'il voulait. Et puis voilà, après, donc, on a tourné ça dans un appartement, là-bas, dans le 8e arrondissement, je crois, je ne sais plus. Ses indications étaient efficaces, très simples. Il m'a beaucoup laissé faire, parce que j'avais cet énorme texte à apprendre. Alors, c'est quelqu'un qui n'essayait pas d'imposer sa façon de voir. Enfin, il essayait de vous laisser exister comme on l'entendait. Et puis, je crois qu'il a été heureux de faire ça. Voilà, pour l'instant. Mais bon, imposer sa façon de voir, il l'imposait déjà à travers, ne serait-ce que le cinéma oui. Qu'il faisait. C'est ça, c'était une mentalité, c'était une façon d'être, si vous voulez, qui n'était pas avide, voilà. On voit tellement aussi de cinéastes ou de comédiens avides, enfin ambitieux, c'est bien d'être ambitieux, mais qui font n'importe quoi pour arriver à ce qu'ils veulent, et lui, non, c'était un rêveur, c'est ce que j'appelle le pur, dans le sens où il vivait son rêve sans... en le laissant aller tranquillement et sans faire d'histoire, quoi. Bonjour. Bonjour. Alors, on va encore dire que tu racontes des histoires ordurières, alors qu'en principe, l'art devrait célébrer la grandeur, la beauté. On m'a déjà dit que je cherche mon inspiration dans les chiottes. Mais quelle est cette histoire? C'est une histoire que les femmes n'aiment pas beaucoup. En quoi une sale histoire est-elle une sale histoire? En quoi cette histoire est-elle une sale histoire? C'est parce que ça parle du voyeurisme par l'intermédiaire de ce dispositif et qui est donc quelque chose qui n'est pas tellement admis. Ça me fait penser d'ailleurs à un film de Hitchcock, La fenêtre sur cour, où l'infirmière qui s'occupe du personnage principal lui dit que le voyeurisme est puni par la loi aux États-Unis. Bon, je ne sais pas si ça l'est en France, mais bon. Et là, ce voyeurisme, le film renvoie pratiquement le spectateur dans cette condition de voyeur, lui aussi. Bien que, de fait, il ne montre rien. Alors je me suis dit, mais quel trou, qu'est-ce qu'il raconte? Et puis j'ai tout de suite pensé, trou dans les toilettes féminines. Jean Eustache a aussi réalisé pour la télévision un film pour la série Grand-mère, deux films sur la rosière de Pessac et, avec passion, Bosch ou le jardin des délices de Jérôme Bosch, raconté par Jean-Noël Pic. Lui avait fait un film sur Jérôme Bosch. Et c'était Jérôme Bosch, c'était le... Je ne sais plus quelle toile, j'ai un... Je ne sais plus quelle toile de Jérôme Bosch, le jardin des délices. Mais c'est lui plus. Qui avait choisi le peintre et la toile ou ça oui, lui c'est avait lui été. Il avait choisi le peintre et la toile, oui. Cette idée, a priori, le séduisait de faire parler quelqu'un d'une toile, mais le séduisait dans la mesure où il pouvait surenchérir un peu sur une certaine perversité du dispositif et donc. Alors que la plupart des amateurs qui étaient filmés dans cette série, des enthousiastes qui étaient filmés dans cette série, étaient confrontés à la vraie toile qu'on pouvait voir dans un musée. Lui, il avait tenu absolument à ce que l'amateur qui en était un, tout en étant en même temps un acteur, puisque c'est son ami Jean-Noël Pic, soit confronté à ce à quoi nous sommes nous-mêmes confrontés quand on voit des tableaux, c'est-à-dire une reproduction. Et cette reproduction, donc, pique la commentaire, si on peut dire. Enfin, c'était le point de départ d'une espèce de rêverie folle à partir de Bosch. La commentait, et le petit jeu de Stache, c'était de faire en sorte que on ait comme guide surtout la parole de pique, surtout la parole du narrateur, enfin, beaucoup plus que l'image de la toile qu'on voyait très peu dans le film, si mes souvenirs sont exacts. Et je vais vous redire maintenant, quelques années après, ce que je vois, au bas du tableau à droite. Alors il y a un cochon, demi-habillé en religieuse, à moins que ce ne soit une religieuse demi-nue, plus ou moins transformée en cochon, qui de son groin tente d'embrasser dans l'oreille un homme nu. Et cet homme nu a un geste, tient la tête du cochon ou de la religieuse, cet homme nu a un geste dont on ne peut pas savoir si c'est pour l'attirer ou pour le repousser. Je l'ai vraiment vu faire le film au montage pendant très longtemps. Il s'est enfermé pratiquement tous les jours dans la salle de montage pendant près d'un mois, alors que le film est assez court. Et il a totalement fait le film lui-même à partir de la matière première, qui était le monologue un peu flou et un peu relâché, qui avait été le mien pendant le tournage. Car le tournage s'était passé dans d'assez mauvaises conditions, je n'étais pas en très bon état. Et lorsqu'on a vu et écouté, Eustache et moi, la première version lorsqu'on a entendu les rushs, lorsqu'on a vu les rushs du tournage, ça m'avait semblé atterrant, je ne voyais pas du tout comment Eustache pourrait s'en tirer. Nous avions passé une après-midi entière à tourner, plus qu'une après-midi, de midi à minuit, et ça faisait en tout, en retranchant les arrêts évidemment, les incidents techniques et autres, ça faisait 5 ou 6 heures de film. Et je répète que ça n'avait aucun sens, c'était émaillé de réflexions personnelles, d'échanges d'anecdotes qui n'avaient strictement rien à voir avec Bosch, de propos qui devenaient de plus en plus confus et qui étaient de plus en plus effilochés. Enfin, ça me semblait complètement intraitable. J'ai eu l'impression que tous deux, nous avions manqué à notre parole, en quelque sorte, dans la mesure où nous avions été commandités par Lina. Et Eustache a travaillé le film, a fait un véritable travail. Il a fait un travail d'ouvrier, de technicien. Il était très bon ouvrier et très bon technicien, en même temps que metteur en scène. Il a fait un travail de dentelle, qui allait jusqu'à, par exemple, retenir la proposition principale de telle phrase, supprimer les relatives qui lui semblaient confuses et inintéressantes, et ajouter une autre proposition subordonnée qui, elle, avait été prononcée quelques heures auparavant. Ce qui fait que je peux dire que c'est mon texte, et en même temps que ce n'est pas du tout mon texte. Il a tout recomposé. J'ai une sorte de nain semi-humain, revêtu d'une armure, semble s'intéresser vivement à leurs ébats et vouloir y participer. Ce nain a une flèche sur la cuisse, et de son cimier pend un pied humain qui est attaché au cimier. Il savait simplement, par une amie commune, que un jour, quelques années auparavant, pendant quelques minutes, j'avais parlé de Bosch. Il l'avait retenu. Il l'avait retenu, et il y avait chez lui, comme ça, cette espèce de recherche du temps perdu, de récupération de certains moments du temps passé, qui pour lui avaient beaucoup de signification, je ne sais pas pourquoi. J'ignore pourquoi, au départ, il était si important à ses yeux que j'ai, hors sa présence, parlé pendant quelques minutes du tableau, qu'il fallait qu'il prenne sa revanche, en quelque sorte, et qu'il en fasse un film. Donc j'étais tout à fait étonné quand il m'a proposé de parler de Bosch, quand il m'a présenté partout comme un spécialiste de Bosch. Je trouvais qu'il y avait là de l'imposture, et j'étais persuadé que je n'arriverais pas à en parler. Alors non seulement il m'a persuadé de le faire, mais il m'a même interdit, il était parfois un petit peu autoritaire, et malgré nos relations d'amitié, me rappelait qu'il était le metteur en scène, il m'a même interdit de travailler un peu la question. Et le discours s'est fait au fur et à mesure, dans les conditions qu'il avait créées. C'est-à-dire une pièce au rideau fermé pour reconstituer une atmosphère nocturne, étant donné que la première fois que j'avais parlé de Bosch hors cinéma, dans des conditions, alors là, tout à fait spontanées, c'était la nuit. Donc il fallait à tout prix, par une espèce d'obsessionnalité magique, il fallait que les circonstances soient exactement les mêmes. Ainsi, je vois au-dessus du lobe de l'oreille un homme, un être sombre, qui est soit un diable, soit un moine, qui tente de sauver quelqu'un écrasé sous l'oreille en le prenant par la main. Un peu comme d'un radeau, on tend la main à un naufragé pour le hisser à bord et dans le cas présent pour le hisser dans l'oreille. Tu me dis qu'il n'y a pas de sexe dans ce tableau de Bosch et tu étais là tout à l'heure quand on t'a interrompu, tu parlais de jouissance, que le paradis là c'était la jouissance. Eh bien peut-être que ce tableau prouve que qu'on jouit sans sexe, le sexe n'est que la canalisation de la jouissance. Et y arrive qui peut, s'en contente qui veut. Ici, on jouit du fait qu'on a une tête de lapin alors qu'on est un moine, qu'on se laisse embrasser l'oreille par un cochon sans même s'étonner que ce cochon soit habillé en religieuse, qu'on a un dé à jouer sur la tête, qu'on se laisse dévorer par des chiens, qu'on a la main percée par un couteau. La jouissance vient de partout, elle est complètement détachée de l'organe. Les organes ne sont pas planifiés, la fonction n'a rien à voir avec l'organe. C'est une espèce de vide, et surtout pas seulement du vide, mais surtout qu'il faut combler le vide. D'où ces discours fleuves des personnages, cette recréation du réel, ou même de tenir une atmosphère par le discours, alors qu'il n'y a rien à dire. J'ai une idée qui est un peu mouvante, mais qui, avec les années, s'est un peu précisée. Et à mon avis, le rôle de l'auteur au cinéma doit être un rôle de non-intervention. C'est le contraire de l'auteur dramatique, si vous voulez, qui fabrique. Pour moi, l'auteur au cinéma doit être là pour que le pouvoir ne soit pas pris par les autres, mais pas pour qu'il impose sa volonté. Mes interventions dans mes tournages ne sont pas des interventions direction dans le sens dictateur. C'est pour que le film ne prenne pas une autre tournure que celle naturelle. Je suis là pour que le film se fasse tout seul. Alors, le dernier projet de Jean Eustache, c'était un projet de film qui aurait été intitulé « La rue s'allume ». Oui, ça s'appelle « La rue s'allume » car il s'agit d'une conversation téléphonique nocturne, à l'approche du petit matin, d'une longue conversation téléphonique entre deux amis. Et il avait simplement enregistré, car il avait énormément d'appareils d'enregistrement chez lui, il avait enregistré cette conversation téléphonique, elle avait reproduite telle qu'elle, ayant la loyauté simplement de me demander de venir chez lui pour réviser un petit peu les noms propres. Car pendant cette conversation téléphonique, nous avions cité de nombreux noms. Sans dire, je crois, de choses bien méchantes, ni du mal de qui que ce soit, mais ça pouvait être gênant de citer des personnes réelles par leur nom véritable. Donc nous avions repris tout ça, mais ça faisait tellement peine de supprimer un nom ou de le transformer, tellement qu'il tenait, comme toujours, à ce que tout soit en place, que le fauteuil soit ce fauteuil-là où ceci s'était passé et pas un autre fauteuil. Il tenait tellement à ce que tous les noms y restent dans le scénario, dans la conversation téléphonique, qu'ils ont simplement été permutés. Catherine, une telle qui était citée à tel propos est remplacée par Isabelle, une telle, mais on la retrouve un peu plus loin. Il y a permutation des noms et de la référence à la situation ou à l'action liée à ces noms. Lumière a été le premier à enregistrer directement la réalité et à ne pas chercher à l'embellir, à ne pas chercher à la manipuler, à en faire autre chose. Filmographie de Jean Eustache. 1963, du côté de Robinson. 1966, Le Père Noël a les yeux bleus. Ces deux films ont été rassemblés en un seul programme sous le titre « Les mauvaises fréquentations » en 1966. 1968-69, émission pour la télévision scolaire, Murnau, Renoir. 1969, La Rosière de Pessac. 1970, Le Cochon, co-réalisé avec Jean-Michel Barjol. 1971, Numéro Zéro, long métrage inédit. 1973, La maman et la putain. 1974, Mes petites amoureuses. 1978, Une sale histoire. 1979, La rosière de Pessac, numéro 2. 1980, Odette Robert. Extrait pour la télévision de numéro 0. 1980, Avec passion, Bosch ou Le jardin des délices de Jérôme Bosch. 1981, Les photos d'Alix. De la merveilleuse aventure qui un jour a pu nous unir, je garde malgré ma blessure l'ineffaçable souvenir. Enfin, il y avait des fragments d'un scénario abandonné, je crois qu'il avait qui ont aussi été publiés par les cahiers, et c'était surtout le troisième fragment qui était quelque chose de d'assez désespéré, justement, où il disait tous les matins quand tout le monde se réveille, il disait d'ailleurs je suis pas sûr que tout le monde se réveille. Bon, enfin là c'est quand même mal parti, ce genre de réflexion. Où il se présente, ou tout au moins il parle à la première personne, je sais pas s'il parlait de lui réellement ou pas, où il se présente comme un personnage qui n'a plus aucune action, où il reste il reste toute la journée au lit, il se lève que pour soit aller chercher des glaçons pour son whisky ou pour aller pisser. Ouais, c'est un peu. C'est une sale histoire, celle-là, en l'occurrence. Je ne peux pas vous dire pourquoi il s'est suicidé. C'est très difficile de dire pourquoi quelqu'un s'est suicidé. C'est vraiment l'acte dont on ne peut rien dire. Quelqu'un, évidemment, qui serait soumis à une torture intense et qui se suicide à ce moment, on peut tout de même préciser la raison pour laquelle il s'est suicidé. Ce n'était pas le cas de Jean Eustache. Et j'ai désapprouvé, j'ai lu, je dirais même avec un certain dégoût dans certains journaux, cette version d'après laquelle Eustache serait une sorte de cinéaste maudit, de poète maudit, qui s'est suicidé à cause de l'incompréhension du milieu professionnel qui ne lui a pas donné ses chances. Il a eu des difficultés, on ne lui a peut-être pas donné toutes les chances qu'il souhaitait. Peut-être fallait-il qu'on ne lui donne pas toutes ses chances. S'il y a ponctuellement à critiquer les uns ou les autres, je ne suis pas du tout d'accord pour dire que Eustache a été la victime d'un système commercial perverti et incompréhensif. Ça, c'est vraiment un romantisme très commercial. Et ceux-là même qui ont dit ça ne sont pas toujours ceux qui ont le plus aidé Jean Eustache. Il disait parfois, en souriant bien entendu, en se moquant un peu de lui-même ou du moins de la formule consacrée, « Mon œuvre est terminée, ça y est, je n'ai plus rien à dire, j'ai tout dit. Mon œuvre est finie, je ne peux pas en dire plus. » Je ne pense pas qu'il disait par là qu'il n'allait plus rien faire. Il avait même, un peu avant sa mort, de nombreux projets. Mais tous ces projets entraient dans la catégorie, dans la rubrique de ce qu'on appelle, je crois, les films expérimentaux. Et en tout cas, c'était toujours des gageurs, filmer une conversation téléphonique. Un peu comme les photos d'Alix que vous avez peut-être vues. Bon, le film Les photos d'Alix, avec un décalage entre les propos que tient Alix qui décrit ses photos et puis les photos que l'on montre à ce moment. Elle décrit un amant américain qu'elle a eu à New York. À ce moment, on voit une vieille paire de chaussures, par exemple, ou un lever de soleil sur le Pacifique. À ce moment, on voit le jardin public du Luxembourg. Il a décalé les photos, l'image par rapport au texte. Conversation téléphonique aussi, c'est une gageure, on peut le dire. Le film qu'il comptait faire avec Bulogier et Jeanne Moreau, et lui-même jouant le rôle du mort, homme nu, allongé sur un lit, tandis que sur son corps inerte de perpétuel assoupi, les femmes parlent de Dieu sait quoi, après lui avoir amené l'une une bouteille de choum, l'autre une bouteille d'hépatum. Là encore, le mot comptait beaucoup. Elles lui ont pas amené des trucs parce qu'il a un foie détraqué de vieil alcoolique. Elles lui ont amené du choum et de l'hépatum. Alors c'était des petits films comme ça qui étaient des plaisanteries, qui étaient des coups et qui étaient des gageurs. Je crois qu'il comptait faire ça. Il n'aurait pas cessé de faire du cinéma. Mais l'œuvre, toute cette transposition de sa propre vie, le jeune garçon des petites amoureuses, le film La maman et la putain, qui retrace toute une période qui est de la fin des années 60 et du début des années 70, c'était fini. Il ne voulait plus recracher. Le cinéma actuel, avec la critique et le public, me paraît être un cinéma de collaboration. Je compare le cinéma actuel à ce que peut être un pays quand il fut occupé par des forces étrangères. Et la seule position possible d'un créateur aujourd'hui me paraît être celle de la résistance, mais cette résistance, c'est donc la non-collaboration avec l'industrie, le public, l'exploitation, la critique, qui tous, le sachant ou non, en bonne volonté ou non, collaborent. Et les créateurs que je connais sont justement les cinéastes qui n'ont pas travaillé depuis quelques années. Alors je crois qu'inconsciemment et par la force des choses, il y a, avant une résistance peut-être qui s'organisera et qui sera peut-être armée, il y a pour l'instant l'impossibilité de collaboration qui me paraît être la marque au moins de non-collaboration. C'est pas de la résistance active, c'est la résistance passive, faute de pouvoir faire autre chose. Je ne vous cache pas que j'ai été extrêmement déçu. Un cheminement de déception depuis une dizaine d'années avec lequel je continue à vivre. Je ne pourrais pas renoncer au cinéma, j'ai parfois renoncé à en faire, parce que d'abord je ne pouvais pas. Et puis des fois je pensais qu'il serait bon de trouver un autre métier, puisqu'en définitive, c'était la solitude absolue. Plus j'avançais dans la vie, plus je rencontrais la solitude. Alors je pensais à renoncer, mais en même temps, on renonce, ça serait intervenir de renoncer. Alors le cinéma, disons que ça ne vaut pas la peine de faire cet effort. C'était un homme un peu déplacé dans le monde, un peu pas marginal, mais enfin, ayant du mal à vivre, ayant du mal à se situer dans le, sur la planète. Vous savez, quand la conversation est légère, comme ça, et fluide, on ne se rappelle pas tellement de détails. Je garde souvenir d'une chose, d'une atmosphère générale, et son attitude à lui, sa façon d'être, comme ça, très douce et très, très poétique. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très beau, je trouve, parce qu'il est, il avait une espèce de noblesse naturelle, comme ça. Et son attitude, sa façon de parler, c'est, on l'écoutait. Très retenu, un peu sourd, on ne lui parlait pas fort. Et quand on a présenté le film, oui, je m'appelle La Salle Vaga, mais il y a eu quelques polémiques comme ça. Alors là, il se cabrait un peu. Je crois qu'il supportait mal la critique, ou il supportait mal qu'on le, qu'on le conteste, c'est vrai. Il était un peu écorché aussi, un peu écorché vif comme ça. C'est l'amour, c'est l'histoire d'amour avec le cinéma, c'est comme l'histoire, c'est comme une autre histoire d'amour. Les autres voient que cela existe, mais il accepte puisque c'est ainsi, mais on peut pas partager. C'est pas partageable. Et c'est ça que j'aimais avec Eustache. C'était vraiment quelqu'un qui faisait du cinéma comme un romancier écrirait. Enfin, c'était une œuvre qu'il faisait. C'était pas du tout de faire du cinéma pour faire du cinéma. Oui, on en... quand on parle de Jean, on a envie de rêver de lui, on a moins envie d'en parler. On ne peut pas livrer comme ça ces choses inexprimables et inexpliquées. Un être de mystère comme ça pour moi. Et on sentait, on s'aimait bien comme ça, mais pourquoi, j'en sais rien. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve. Une heure trop brève qui ne veut pas finir. Un souvenir, c'est toute la tendresse des beaux jours d'ivresse que l'on veut retenir. À propos de Jean Eustache, avec Jean-Noël Pic, Jérôme Prieur, Marco, Michael Lonsdal, Françoise Lebrun, Geneviève, Jean-Christophe Panchèvre, Christian Bourgois et la voix de Jean Eustache. C'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève, qui ne veut pas finir. Une émission proposée par Cécile Amcy. Et croire encore que tout vient de recommencer, c'est revoir l'être qu'on adore, c'est retrouver tout le passé. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Marie-Dominique Bougot, Alain Joubert, François Teste, Jacques Taroni. D'une heure trop brève, ne veut pas finir. Un souvenir, c'est toute la tendresse des beaux jours d'ivresse que l'on veut retenir. Document INA recueilli par Françoise Mathioni. Tout brisé, tout anéanti. Mais pour moi, qui ne sais comprendre qu'on peut mentir, souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève, qui ne veut pas finir. C'est l'image d'un rêve, une heure en vrai, qui ne veut pas finir. Cette émission a été diffusée la première fois le 4 juin 1985 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.